Voici l'humeur de Guillermo. Oui, si, c'est vrai. Allez, Guillermo, vas-y. Bonjour les amis. Non. Bonjour. Salut, bonjour. Alors certains parmi vous le savent peut-être, mais globalement j'ai une vie de chambranle de porte. Quand il m'arrive un truc de notable, au mieux c'est trois bons numéros au Keno. Le reste du mois j'attends la mort. Mais pour une fois, cette semaine j'ai fait quelque chose qui méritait d'être vécu. Ah ouais, quoi, t'as croisé un dealer, il t'a fait une ristourne, t'as couché avec un mannequin, vous êtes réveillé dans un zoo et t'as soudoyé un flic pour aller présenter N'oubliez pas les paroles. Non Nagui. Vous êtes mignon, un peu autocentré, mais mignon. Non. Mardi soir les amis, à Bruxelles. Roulement de tambour, j'ai assisté au meeting de Benoît Hamon. Hey, boum, prends ça, Massimo Gardia. C'est qui le roi de la jet set maintenant? Et voilà, c'est moi. Le meeting d'Hamon, c'est de loin le truc le plus people qui me soit arrivé depuis la fois où j'avais croisé un type qui ressemblait à un démusclé sur la ligne 7. Et vraiment, Hamon à Bruxelles, bien sûr j'y suis allé. Quoi. Dans ma tête, je me disais, bah, s'il devient président, après il sera complètement inaccessible. La seule manière que j'aurais de lui serrer la main s'il est à l'Elysée, c'est de me naturaliser français, d'apprendre les rudiments du handball. Et de gagner les Jeux Olympiques avec les experts, quoi. Ce qui paraît peu crédible quand on connaît mon corps et ses nombreux problèmes de motricité. Mais là, mardi soir, j'étais sûr que je pourrais lui parler, quoi. Vraiment, j'étais persuadé qu'il serait un peu seul à une table, comme ça. Tu vois, comme quand tu es au salon du livre pour dédicacer un précis de comptabilité. Et que t'es obligé de faire semblant de recevoir des textos pour pas t'évanouir de tristesse. Et ben, c'est vrai, chez nous, ça reste un politicien de niche. Ah bon, quand j'ai demandé à un de mes potes de m'accompagner voir Benoît Hamon, il m'a dit, je connais pas, c'est quoi, c'est un humoriste? Vraiment, j'avais non, tu confonds avec, enfin, je vous laisse compléter cette vanne en fonction de vos affinités idéologiques. Mais j'arrive quand même à le convaincre de venir. Et donc on arrive à la salle de la Madeleine, tranquillou comme ça, mais c'était blindé, massacre quoi. 2000 personnes, comme quoi, voilà, à Bruxelles, il n'y a pas que des Français qui fuient l'ISF. Vous envoyez aussi vos pauvres partout en fait. La France, c'est la nouvelle Pologne. Vraiment, prends ça, Marine Le Pen. Tu feras moins l'arrogante quand on chassera tes arrière-petits-neveux. Mais je dirais, c'était tellement full qu'ils ont diffusé le meeting dans la boîte de nuit d'à côté en fait. Vraiment. Oh. Et donc je suis arrivé à la boîte et tout à l'entrée et le mec de la sécurité demande à mon pote d'enlever son bonnet. Et il ajoute, et vous le remettez pas quand vous êtes à l'intérieur, hein, ok? Genre à moi, on me la fait pas, quoi. Les meetings, je les ai tous faits, Chaban Delmas, Gilles de Robien, le père de Bray, j'ai même fait Guy Dru. Alors je les connais, les mecs qui font semblant d'enlever leur bonnet à l'entrée et qui les remettent à l'intérieur, pas de sac, kiki. Vraiment. Donc comme ça, vous savez, pour le 22 avril, Benoît Hamon, il aime pas les bonnets. Voilà. On va savoir, peut-être un bonnet qui a mal tourné, enfin je sais pas. Bref, donc on entre dans la boîte, le You, où par parenthèse, je dois avoir bu l'équivalent d'un mer baltique en vodka. J'ai encore mon vomi incrusté sur deux murs là-bas. Non mais grosse Madeleine de Proust. Et non mais c'est tellement plein qu'on est obligé de rester debout et j'arrive même pas à voir l'écran géant en fait. Donc là je me dis putain, pourquoi j'ai pas ramené ma chaise pliante comme quand je vais au concert de Maxime Le Forestier. Là évidemment je pense alcool, anesthésie locale, échec global de ma vie. Mais je me dis heureusement que je suis avec mon pote quoi. Sauf que là il y a Thomas Piketty qui lâche, je relisais encore dans le Thalys le discours prononcé par Joska Fischer le 12 mai 2000. Là, il y a mon pote qui me regarde, moi je vais y aller par contre. Et il se barre. Et je reste tout seul, et je retrouve, enfin, à 20h25, t'as le chauffeur de salle qui fait, il arrive! Le candidat pour un avenir désirable, le candidat pour une Europe qui a un vrai projet, le candidat qui va faire battre le cœur de la France, le candidat pour un vide. Et là, tu dis, ou si tu l'arrêtes pas, il va enchaîner avec le candidat qui va toiletter vos animaux de compagnie, le candidat qui joue à ni oui ni non comme personne, le candidat qui bat les œufs en neige sans batteur électrique. Mais t'as peur de l'escalade, évidemment. Mais du coup, c'est vraiment bien. En fait, en plus, ce qu'il y a à mon, c'est bien, j'entends, c'est bien ce qu'il dit. C'est intelligent, c'est humain et tout, mais voilà, après deux heures, moi je suis debout, je vois pas ce qui se passe. Donc je me dis, je sais que je devrais rester jusqu'à la fin. Déontologiquement, je devrais rester, mais là, je me dis, bon, je commence à me dire pourquoi je fais les chroniques en fait, à quoi ça sert. Nagui, je le connais à peine, Daniel Morin, je le croise en rue, je change de trottoir. Dans 200 ans, qui se rappellera en plus de cette chronique quoi. Donc voilà, je me suis barré, mais c'était quand même une cool expérience. Allez, merci Guillaume Guiz, en Belgique. Hein. France Inter, la bande originale. Avec Nagui.